السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد, الله سبحانه وتعالى nous dit dans son noble livre, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الحمد لله. الله سبحانه وتعالى nous dit dans son humble livre, dans Sourate al-Dhariyat, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'attends pas de ma subsistance ni qu'ils me nourrissent. Mais certes, Allah est le grand pourvoyeur, doté de la force l'inébranlable. Dans ce noble verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne la sagesse pour laquelle il nous a tous créés. La sagesse pour laquelle il nous a tous créés, c'est-à-dire l'adorer seul et cela d'un culte sincère. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans jamais rien lui associer. Voici la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous créés. Allah tabaraka wa ta'ala ne nous a pas, lorsqu'il nous a créés, il ne nous a pas laissés en vain, errants, sans savoir pourquoi nous sommes dans ce bas monde, sans but, sans connaissance. Il nous a plutôt créés, nous a donné tout ce dont nous avons besoin, nous a envoyé des messagers pour nous orienter et nous montrer le chemin qui allait nous amener à son agrément, à sa satisfaction, à son paradis. Il nous a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous avertir contre les chemins de la tortuosité, contre les chemins menant à son courroux, à sa colère, et à l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Ainsi, le musulman se doit de savoir que ce bas monde n'est qu'un lieu de passage et qu'il y a une sagesse pour laquelle il est ici. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il fait, il fait avec science et avec sagesse. Il fait avec pleine capacité. Wa huwa al-alim al-hakim. Il nous dit dans son livre, خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. Dans Sourate An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il est élevé au-dessus de ce qui lui associe. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de faire des choses sans sagesse, de faire des choses sans sagesse. Il nous dit dans Sourate Sad, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. Dans Sourate Sad, nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ceux qui existent entre eux en vain. C'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu, c'est-à-dire qui les attend. Traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur la terre? Ou traiterons-nous les pieux comme les pervers? Voici la mauvaise opinion. Voici la mauvaise opinion de ceux qui ont mécru. Voici la mauvaise opinion de ceux qui ne se préparent pas pour le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala qui pensent qu'ils sont dans ce bas monde pour jouer, pour s'amuser et se distraire. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas tout créé en vain. Ceci est la croyance de ceux qui ont mécru. Dans Sourate Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ إِن كُنَّا فَاعِلِينَ. Dans Sourate Al-Anbiya, on nous dit, sur la traduction des sens du verset, « Ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel et la terre et ceux qui entre eux. Si nous avions voulu prendre une distraction, nous l'aurions prise de nous-mêmes, si vraiment nous avions voulu le faire. » Le Coran nous montre donc que toute cette création, que notre présence sur terre, n'est pas à titre d'amusement et de distraction. Nous n'avons pas été créés en vain. Bien au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre la grande sagesse pour laquelle il nous a créés, l'adorer seul d'un culte sincère. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges de ses serviteurs pieux et rapprochés parmi les croyants qui savent qu'Allah azza wa jal ne nous a pas créés en vain. Alors ils ont médité sur cela et se sont préparés pour leur retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. À la fin de Sourate Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adhaban nar. Dans Sourate Ali Imran, on nous dit: en vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, qui debout, assis, couchés sur les côtés, sur leurs côtés, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre. Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Exempt sois-tu de tout défaut. Garde-nous donc du châtiment du feu. Garde-nous donc du châtiment du feu. Ainsi, le fait de méditer sur la création des cieux et de la terre, le fait de se rappeler la sagesse, nous amène à cette réalité, que ce bas monde est un lieu de passage, et que nous allons revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala pour être jugés, et qu'on va être questionnés, et que nous ne sommes pas là pour nous distraire seulement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: « Ayahsabu l'insanu ayutraka suda » Est-ce que l'homme pense qu'on va le laisser en vain, ainsi, c'est-à-dire sans lui donner d'ordre, sans lui donner d'interdit? Allah Azza wa Jal est exempt de tout cela. Donc il y a le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le retour vers Allah tabaraka wa ta'ala. Dans Surat Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَوْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Que soit exalté Allah, le vrai souverain. Point de divinité digne d'être adoré en dehors de lui. Le Seigneur du trône sublime. Celui qui médite la fin de Sourate Al-Mu'minun verra la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala aux gens de l'enfer alors qu'ils seront en enfer. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Les gens de l'enfer seront en enfer et Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes, s'adressera à eux pour les blâmer. Et vous savez tous que dans l'au-delà, les gens se diviseront en deux, les gens du paradis, qu'Allah nous joigne aux bienheureux, et les gens de l'enfer, puisse Allah nous en préserver. Puisse Allah nous en préserver. Lisez la fin de Sourate Al-Mu'minoun, du verset 101 jusqu'à la fin, et méditez sur ce passage effrayant, sur ce passage qui met la peur dans le cœur du serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il en est ainsi, chers auditeurs, il nous faut prendre nos provisions. Il nous faut prendre nos provisions pour l'acheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Il nous faut prendre nos provisions pour rechercher le salut dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et une des meilleures adorations par lesquelles le serviteur se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, un des piliers de chaque adoration, un des piliers des actes du cœur, Mahabbatullah, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'aimer Allah tabaraka wa ta'ala, c'est la meilleure adoration. C'est la meilleure chose par laquelle tu te rapprocheras d'Allah tabaraka wa ta'ala, ton Seigneur. Le fait de remplir ton cœur d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de tout faire pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te soit plus aimé que toute chose. Le fait de faire devancer l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala sur toute autre chose. Sur toute autre chose. Celui qui se comporte ainsi dans ce bas monde. Voici le bienheureux dans l'au-delà. Voici le bienheureux dans l'au-delà. Et ceci ne doit pas être avec des prétentions. Ceci ne doit pas être sur la langue seulement. Mais ça doit être une chose qui habite le cœur et qui se répercute dans la vie du croyant au quotidien. Et certes, le cœur est la chose la plus importante chez le fils de Adam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le rapporte Al-Bukhari Muslim selon Nu'man ibn Bashir radiallahu an, Ala inna fil jasad mudra, ida salahat salaha al jasad kullu, wa ida fasadat fasaj al jasad kullu, ala wa hiya al qalb. Et sachez qu'il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le reste du corps le sera. Et s'il est corrompu, tout le reste du corps le sera. C'est le cœur. Le musulman doit tout faire pour remplir son cœur de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ce qu'Allah aime par la suite, comme l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ce qu'il nous a légiféré. Ça, c'est le point culminant de la foi. Dans Sunan Abi Daoud, le hadith de Abu Umam al-Bahili, l'imam al-Albani dit que ce hadith est authentique, rahimahullah. Wa radiyallahu anis sahabi wa anis sahabati ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Man ahabba lillah, wa abghadha lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah, faqad istakmala al-iman. Celui qui aime Allah, pour Allah, celui qui aime pour Allah, et qui déteste pour Allah, qui donne pour Allah, et prive pour Allah, voici celui qui aura complété la foi, ou il aura certes complété la foi. Et dans le hadith de Abdullah ibn Abbas, authentifié par Cheikh Al-Albani également, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, « Awthaqu 'ura al-iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. » L'anse la plus solide de la foi est l'amour pour Allah et Afwan, le fait d'aimer pour Allah et le fait de détester pour Allah. Ainsi, tu aimes Allah Azza wa Jal seul sans associer dans l'amour adoration. Puis, tu aimes ce qui va avec cet amour, ou bien on va dire qui découle de cet amour plutôt, comme l'amour de ce qu'Allah aime, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la parole d'Allah, et ainsi de suite. Et pour ce faire, le musulman doit apprendre les causes qui amènent l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela tout le monde l'a, mais les causes qui amènent l'augmentation de cet amour, l'enracinement dans le cœur de cet amour, le développement de cet amour. Comment parfaire l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? Car on doit aimer Allah seul sans associer. Allah nous dit dans le Coran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et parmi les gens, il en est qui aiment ou qui prennent des égaux en dehors d'Allah, les aimant comme on aime Allah. Quant à ceux qui ont la foi, leur amour pour Allah est plus ardent. Les associateurs aiment Allah, tout le monde aime Allah, mais eux aiment Allah et avec lui autrui. Ils mettent au même niveau l'amour de ces fausses divinités. Ou bien ils mettent au même niveau leurs fausses divinités qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens où il leur voue l'adoration. Et parmi les adorations les plus importantes, il y a l'amour. Quant au croyant, lui, il aime Allah et n'aime personne avec lui dans l'amour adoration. Puis, il aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il déteste pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas en fonction de ses passions. Et ici, nous allons nous rappeler des causes qui amènent l'augmentation de l'amour du serviteur pour son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Elles ont été mentionnées par le grand savant Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullahu ta'ala, Muhammad ibn Abi Bakr, Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullahu ta'ala, dans son livre Madarij al-Saliki. Et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ô notre Seigneur, n'égare pas nos cœurs après les avoir guidés et accorde-nous de ta part une miséricorde, tu es certes le grand donateur. Et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala après cette invocation qui est dans le Coran avec l'invocation prononcée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Mu'adh ibn Jabal dans le recueil Imam al-Tirmidhi. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. Oh Allah, nous te demandons ton amour, ainsi que l'amour de ce que tu aimes, et l'amour de tout acte qui nous rapprochera de ton amour. Voici une grande cause pour augmenter notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, al-hadith al-Qudsi, rapporté par al-Bukhari sur Abu Huraira, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ حَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. Et mon serviteur, Allah nous dit dans le hadith Atam divin, et mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une action, par une chose que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec des actions recommandées jusqu'à ce que je l'aime. Dès lors que je l'aime, je suis l'ouïe avec laquelle il entend la vue, par laquelle il voit, avec laquelle il voit la main, avec laquelle il saisit, le pied avec lequel il marche, ou la jambe avec laquelle il marche. S'il me demande une chose, assurément, je lui accorde. Et si il recherche ma protection, assurément, je la lui accorde. Donc, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris soin de nous mentionner des causes qui nous rapprochent de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Passons maintenant à la mention des 10 causes mentionnées par Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dans son livre Madarij al-Salikin. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala nous dit dans ce grand livre Faslun fil asbab al-jalibati li mahabbati lil-mahabbati wal-mudibati laha wa hiya 10. Chapitre au sujet des causes apportant l'amour, c'est-à-dire l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les entraînant forcément. Et elles sont nombre de 10. Ahaduha qira'atul Qur'an bit-tadabbur wat-tafahhum li-ma'ani wa ma urida bih. كالتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. La première cause qui engendre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est la lecture du Coran avec méditation et la compréhension de ses sens. À l'image de celui qui lit en méditant un livre qu'il cherche à comprendre. Il veut savoir ce que l'auteur a voulu par cela. Ça, c'est la première cause. Pour augmenter notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, lire le Coran et chercher à le comprendre. La deuxième cause, est التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. La deuxième, le fait de se rapprocher d'Allah par des actes recommandés après avoir accompli les actes obligatoires. Les actes obligatoires. Car le fait de faire les choses recommandées après avoir préservé les obligations nous entraîne dans la sphère des bien-aimés après avoir été dans la sphère de celui qui aime. C'est-à-dire que celui qui aime Allah Azza wa Jal va se rapprocher d'Allah avec les actes d'adoration. Mais celui qui ajoute aux œuvres obligatoires les œuvres recommandées, après avoir aimé Allah, il deviendra l'aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah l'aimera. Allah, le Seigneur des mondes, est aimé, mais il aime. Également, ça fait partie de ses attributs. Comme Allah nous le dit dans plusieurs versets du Coran, Wallahu yuhibbu sabirin. Inna Allah yuhibbu tawabin, yuhibbu al-mutatahirin. Certes, Allah aime ceux qui se repentent beaucoup et ceux qui se purifient beaucoup. Allah aime les endurants. Et on voit, et on a mentionné le hadith. Donc, les œuvres recommandées après les œuvres obligatoires sont des causes pour être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Pour être aimé d'Allah tabaraka wa ta'ala. La troisième cause, dawamu dhikrihi ala kulli hal bil lisani wal qalbi wal amali wal hal. فَنَصِيبُهُ مِنَ الْمَحَبَّةِ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهِ مِنْ هَذَا الذِّكْرِ. La troisième cause est l'évocation d'Allah. L'évocation constante d'Allah dans toutes les situations, avec la langue, avec le cœur, avec les actes, et même l'état de la personne et sa manière d'être. Et la part qu'elle obtiendra de cet amour sera en fonction de la part donnée à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu évoques Allah avec ton cœur, ta langue et tes membres et ton état, plus Allah te donnera de cet amour. La quatrième cause, itharu mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa. والتسنم إلى محبه وإن صعب المرتقى. La quatrième cause, la préférence pour ce qu'Allah aime face à ce que toi tu aimes. durant les moments de prééminence des passions. Par moments, on te demande de faire la prière et tu aimes la prière, alors tu pries. Mais par moments, on te demande, par exemple, de t'abstenir de manger, de boire et de commercer avec l'épouse. Là, c'est une chose qui va nécessiter de faire prévaloir, de donner prééminence à une de deux choses. Ce que tu aimes toi et ce qu'Allah aime. Tu devras choisir ce qu'Allah aime. Là, tu as le choix de manger cette viande qui n'est pas licite. Allah n'aime pas cela. Là, tu as le choix de prendre cet argent qui n'est pas licite. Allah n'aime pas cela. Là, tu as le choix. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux augmenter ton amour pour Allah? Choisis ce qu'Allah aime et Allah augmentera dans ton cœur cet amour. Donc, tu dois avoir la préférence pour ce qu'Allah aime face à ce que toi tu aimes durant les moments de prééminence des passions. Et tu dois t'efforcer de concrétiser ce point-là, même s'il est difficile lorsqu'il y a la passion désirée en face. Cinquièmement, mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi wa mushahadatuha wa ma'rifatuha wa taqallubuhu fi riyadhi hadhihi al-ma'rifati wa mabadi'aha. فَمَنْ عَرَفَ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ أَحَبَّهُ لَا مَحَالَةَ وَلِهَذَا كَانَتِ الْمُعَطِّلَةُ وَالْفِرْعَوْنِيَّةُ وَالْجَهْمِيَّةُ قُطَّاعَ الطَّرِيقِ عَلَى الْقُلُوبِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوُصُولِ إِلَى الْمَحْبُوبِ. ابن القيم رحمه الله تعالى ندي. Cinquièmement, l'observation avec le cœur, l'étude avec le cœur, l'observation avec le cœur des noms d'Allah et de ses attributs. Témoignez pleinement de cela et étudiez leur sens afin de connaître Allah Azza wa Jalla à travers ses noms et ses attributs. Et le fait de baigner dans ce jardin de connaissance, de se délecter dans ce jardin de connaissance. Ainsi, celui qui connaît Allah à travers ses noms et ses attributs, ainsi que ses actions, l'aimera d'une manière inéluctable. Il l'aimera sans aucun doute, il n'aura pas le choix si ce n'est d'aimer son Seigneur. Si ce n'est d'aimer son créateur, si ce n'est d'aimer son pourvoyeur, si ce n'est d'aimer son guide, si ce n'est d'aimer son protecteur, si ce n'est d'aimer son guérisseur, si ce n'est d'aimer son donateur, si ce n'est d'aimer celui qui lui donne, celui qui le protège, il n'aura d'autre choix. Si ce n'est d'aimer Allah, lorsqu'il va le connaître, il va lire le Coran, il va voir ses noms, il va voir ses attributs, il va voir ses actions, il va voir de sa perfection. Il va voir de ses bienfaits. Dans quel état sera son cœur à ce moment-là? Wallah, thumma wallah, thumma wallah. Son cœur va déborder d'amour pour Allah Azza wa Jal. Son cœur va déborder d'amour pour Allah Azza wa Jal. Il ne pourra contenir ses larmes. Il ne pourra contenir sa langue. Elle proclamera la louange de son Seigneur. Il fera ses éloges. Et il ne trouvera même plus les mots pour décrire l'état dans lequel il se retrouvera. Ça, c'est un des points les plus importants pour aimer Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de le connaître à travers ses noms, ses attributs et ses actions. C'est pour cela que ceux qui renient la réalité des noms d'Allah, des sens des noms d'Allah ou des attributs des noms d'Allah. Ceux qui ont ressemblé à Fir'aoun, la secte de Al-Jahmiya, sont des gens qui coupent le chemin menant à l'amour d'Allah Azza wa Jal. Ils coupent le chemin entre le cœur et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il coupe le chemin entre les cœurs et la destination qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Sixièmement, mushahadatu birrihi wa ihsanihi wa ala'ihi wa ni'amil batinati wa zahira. فإنها داعية إلى محبته. Sixièmement, l'observation de la bienveillance d'Allah, de sa bienfaisance et de ses bienfaits apparents et cachés. L'observation de la bienfaisance d'Allah envers nous, de sa bienveillance envers nous, de ses dons, de ses bienfaits apparents et cachés. Car tout cela engendre son amour. Tout cela engendre son amour. Septièmement, Ibn al-Qayyim nous dit septièmement, wa huwa min a'jabiha. Il nous dit septièmement, et elle est des plus étonnantes. Inkisaru al-qalbi bi kulliyatihi bayna yaday Allah ta'ala. وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات غير الأسماء والعبارات. الله أكبر الله أكبر. La septième, elle est des plus étonnantes, le brisement du cœur devant Allah, le brisement du cœur devant Allah, le fait que le cœur se fragmente entièrement devant Allah le Très-Haut. Et les mots ne peuvent se manifester pour pouvoir décrire réellement cet état. Les mots ne peuvent suffire pour pouvoir décrire réellement cet état. Il nous reste que des termes. Il nous reste que des termes pour essayer de nous rapprocher de la description de cet état-là. Huitièmement, Al-Khalwatu bih, waqtu an-nuzul ilahi, li munajati, wa tilawati kalami, wal-wukufi bil-qalbi. وَالتَّأَدُّبِ بِآدَابِ الْعُبُودِيَّةِ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ خَتْمُ ذَلِكَ بِالِاسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ. La huitième cause pour augmenter notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait d'être, de se mettre en privé. Le fait de se retrouver seul avec Allah subhanahu wa ta'ala. À l'heure de la descente divine, au dernier tiers de la nuit, lorsqu'Allah descend au ciel de ce bas monde, comme cela est affirmé dans le hadith, largement répandu par les compagnons. Le fait de se mettre seul avec Allah subhanahu wa ta'ala lors de la descente divine, afin de l'invoquer, afin de l'évoquer, afin de l'invoquer, afin de lire sa parole. Afin de faire se soumettre le cœur dans toute forme de servitude, afin de se tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala et de faire se tenir ce cœur-là avec les meilleurs des comportements, les comportements de la servitude devant Allah subhanahu wa ta'ala au dernier tiers de la nuit alors que personne ne te voit. Tu l'invoques, tu le mentionnes, tu lis sa parole et le Coran, tu développes ses sentiments du cœur, ses servitudes, ses adorations, le tout avec l'excellence dans ton comportement face à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Puis, tu clôtures tout cela en demandant pardon à Allah Azza wa Jal et en te repentant. Tu clôtures tout cela par la demande de pardon et le repentir. Allahu Akbar. Neuvièmement, Mujalasatul muhibbin as-sadiqin. والتقاط أطيب ثمرات ثمرات كلامهم كما ينتقي أطيب الثمر ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. Neuvièmement, les assises avec ceux qui aiment véritablement Allah. Les assises avec ceux qui aiment véritablement et sincèrement Allah. Avec les véridiques dans leur amour pour Allah. Et la récolte de leurs meilleures paroles. La récolte des meilleurs fruits de leurs paroles. Et ne parle pas, sauf si tu penses qu'il y a un intérêt dans la prise de parole et que tu sais qu'il y a en elle un bénéfice pour ton état et un profit pour les autres. Tu viens dans ces assises. Les assises de personnes qui ont aimé Allah avec véracité, qui sont véridiques au plus haut point dans leur amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu recueilles et tu cueilles les meilleurs fruits dans leurs paroles. Et tu ne parles pas dans ces assises, sauf après avoir pesé le pour et le contre, et avoir eu comme avoir ou être arrivé au résultat que c'est meilleur à ce moment-là de parler que de retenir sa langue. Ainsi, ça améliore ton état positivement et c'est utile aux autres qui t'écouteront. Et la dixième cause, Muba'adatu kulli sababin yahoulu bayna al-qalbi wa bayna Allahi azza wa jal. La dixième cause, l'éloignement de toute cause qui va séparer ton cœur et l'éloigner d'Allah. Les neuf premières causes sont des causes où il faut aller vers la chose. La dixième vise à préserver les neuf acquises. C'est-à-dire, tu t'éloignes de tout ce qui est un obstacle entre ton cœur et Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui peut t'éloigner d'Allah et te séparer, couper ton cœur d'Allah azza wa jal, tu t'en éloignes. Tu t'en éloignes. Car certes, si l'homme, si on enlève l'air à l'homme, il perd la vie de ce bas monde. Mais si on enlève au cœur le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, il perd son bas monde, il perd sa vie, son âme, son cœur, et il perd l'au-delà avec. Il perd l'au-delà avec. Et de toute chose, il y a un remplacement. Mais si tu perds Allah, rien ne pourra venir remplacer Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala finit en disant: فمن هذه الأسباب العشرة أو فمن هذه الأسباب العشرة وصل المح المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. نعم, je reprends. فمن هذه, يعني de par ces dix causes, de par ces dix causes, par ces dix causes-là, وصل المحبون إلى منازل المحبة. C'est par ces dix causes-là qu'ont atteint ceux qui ont aimé Allah le degré, la station de l'amour qui permet l'acheminement vers Allah et l'au-delà. وَدَخَلُوا عَلَى الْحَبِيبِ, et qu'ils ont pu entrer chez leur bien-aimé, chez celui qu'ils ont aimé. وَمِلَاكُ ذَلِكَ كُلِّهِ أَمْرًا. Et comment réunir tout cela avec deux choses. استعداد الروح لهذا الشأن وانفتاح عين البصيرة وبالله التوفيق. Préparer l'âme à cette chose immense et ouvrir l'œil de la clairvoyance. Ouvrir l'œil de la clairvoyance. Et la réussite est auprès d'Allah. La réussite est auprès d'Allah. Voici 10 causes mentionnées par Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans Madarijou al-Salikin. Notez-les. Révisez-les, vivez avec, propagez-les. En espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de les concrétiser afin de réellement aimer Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant qu'il nous aime par la suite, car le but n'est pas que toi tu aimes Allah, tout le monde aime Allah et ça n'est pas gage de droiture, mais le but suprême est d'être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, car cela sera la preuve que tu auras été sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la réussite. Wa billahi tawfiq. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. يا غفور يا رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا أنت خير الرازقين. اللهم ارزقنا أنت خير الرازقين. اللهم ارزقنا أنت خير الرازقين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا. Allahumma taqabbal minna siyamana. Allahumma taqabbal minna qiyamana. Allahumma taqabbal minna qiyamana. Allahumma taqabbal minna qiyamana. Ya Shakur, ya Bar, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.